planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. J'adore. Ma musique chante en français. Avec Jeff. Camille Houssière, vous la connaissez mieux sous son pseudonyme de Camille Lou. Elle est originaire de Maubeuge. Vous l'avez connue et appréciée dans la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille notamment. Elle y tenait le rôle d'Olympe. Son père était guitariste-chanteur. À la voici avec Si je te promets. Je sais que c'est elle qui me fermera les yeux quand je serai aux portes du ciné des dieux. Ce jour-là, je scindrai son front de mille couronnes et nous irons sur les terres d'Avalon. Je sais qu'un jour nous échangerons nos vœux, unis par la force de l'air et du feu. Mais comment savoir si je le désire vraiment, si c'est lui que je veux ou si je me mens? Si je te promets tous les jours de ma vie sans arrêt, dans ses bras. Pourtant je sais que je n'en ai pas le droit. Mais comment choisir entre l'amour et le devoir, entre la raison et la douleur d'y croire? Si je te promets tous les jours de ma vie sans arrêt, mon Dieu, garde-moi de la tentation. Mon Dieu, aide-moi à ne pas céder. Si je te promets tous les jours de ma vie sans arrêt, les plus belles chansons d'amour. Elle est pas donnée à toi. tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, je t'aime, tu vois. Mon amour. Sont dans ma musique, chante en français. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Et question chanson d'amour, Edith Piaf s'y entendait, plus bleu que le bleu de tes yeux. C'est une reprise de toute la troupe des Amants d'un jour, une comédie musicale qui hélas n'a pas eu le succès escompté, qui est arrêtée un peu avant la fin. Quoi qu'il en soit, on l'écoute, les Amants d'un jour, plus bleu que le bleu de tes yeux. Le 13e album studio de Francis Cabrel a été enregistré le 27 avril et sorti le 27 avril 2015. Il a été réalisé notamment au studio d'Avou, le célèbre studio parisien qui depuis a fermé ses portes. Il s'est vendu à près de 400 000 exemplaires. Il a été certifié 3 fois disque de platine. En voici le titre éponyme, In Extremis. Quelques oiseaux encore, mais grosso modo, ça ne se fait plus. tout ce chantier multicolore au fond, ça salissait la rue. On avait de nombreuses plaintes pour trouble à la normalité. Chanter dans une langue éteinte, c'est sûr, ça n'a rien arrangé. Comme ils approchaient des fenêtres, les gens se sont sentis visés. Si ça se trouve, ils lisent nos lettres et leur charabia est codé. Il a fallu qu'on se décide face à cette conspiration. On a voté le génocide par précaution. Les buissons servaient de repères, les arbres servaient de maquis. On a tout jeté ça par terre, on est plus tranquille aujourd'hui. Ceux qui ont survécu au carnage, ceux qui étaient les moins suspects, on les trimballe dans des cages, on les a rendus muets. On parle tous la même langue, comme ça on peut suivre l'écho de la même voix qui rabâche sur la même chaîne d'infos. Pour les amoureux du folklore, loin dans quelques quartiers perdus, on voit quelques oiseaux encore, grosso modo ça ne se fait plus. Malgré la ronde des vigiles qui veillent au silence absolu, il reste un murmure fragile comme un refrain défendu qui vibre au cœur de chaque pierre comme un reproche lointain. Tenace comme le lierre et qui nous dit d'où l'on vient. En 1994 et 8 déjà qu'est sorti le premier album de Gérald De Palmas. Son titre certainement le plus connu, c'est évidemment Sur la route. C'était également son premier single solo. En 1978, qu'est sorti l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, Starmania, bien évidemment. Dedans, il y avait le blues du businessman. On connaît l'interprétation d'origine de Claude Dubois qui était magistrale. Voici pour vous celle de Daniel Balavoine. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Qui m'attire vers le haut. Grand loto de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. J'suis mal dans ma peau. je meurs. Pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. Sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau. J'suis mal dans ma peau. J'voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais mieux être un oiseau. Dodo l'enfant d'eau. Il a passé son adolescence à Clichy-sous-Bois au son des musiques soul de Marvin Gaye, de Stevie Wonder ou de James Brown. Voici François Feldman. Quand je suis né à 13 heures, à la place d'une petite sœur, en bouleversant tes projets, j'étais déjà pardonné. À mon père, t'as dit je peux pas le refaire. C'est fou ce qu'il était fier. C'est toi qui m'as fait, qui m'as construit. J'aurais mis dans ton ventre gonflé comme un bateau à quai sans bris. Tu m'as tout appris. Tout appris. Tu me voyais tellement beau. Partout t'as mis des photos. Aujourd'hui encore, tu crois que je suis le plus fort. C'est trop grand comme tu m'aimes. Pourtant les jours de peine, c'est toi que j'appelle quand même. C'est toi qui m'as fait, qui m'as construit. Je rêvais dans ton ventre gonflé comme un bateau à quai sans bris. C'est toi qui m'as fait, qui m'as construit pour la vie. Dans ce monde un peu flou, doucement tu m'as tout appris. Tout appris. C'est toi qui m'as fait.

Ma musique chante en français. C'est grâce... C'est grâce au label communautaire My Major Company qu'elle a pu débuter sa carrière à 18 ans, Joyce Jonathan, avec caractère. Tout a commencé il y a longtemps, en classe de primaire, déprimé, faut le faire. Tout a commencé sur le divan, à régler mes affaires, à parler de mon père. Il m'a fallu des années-lumière pour trouver l'origine de mes enfers. Je rêve, je m'enferme, je sais qu'au fond de moi, des milliers de combats. J'ai vécu à forger mon foutu caractère. On garde en mémoire que les bavures, de vieilles histoires, des vieilles rancunes, elles rendent nos joies dérisoires. Des journées obscures, des âmes sans armure. Il m'a fallu être terre à terre pour aimer la vie sans jamais être amère. Je rêve, je m'enferme, je sais qu'au fond de moi, des milliers de combats s'enflamment et se taire. Tout ce que j'ai vécu a forgé mon foutu caractère. Je veux que ce soir, on se rappelle nos plus beaux moments, nos rêves d'enfant. Il m'a fallu des années-lumière, retrouver l'origine de mes enfers. Je rêve, je m'enferme, je sais qu'au fond de moi, a forgé mon foutu caractère. Je m'enferme, je sais qu'au fond de moi, des milliers de combats s'enflamment et se tairent. Tout ce que j'ai vécu a forgé mon foutu caractère. Il a 3 albums à son actif depuis qu'il a été vainqueur de la 3e saison de The Voice, la plus belle voix en 2014. Je veux parler bien sûr de Kenji Girac, Andalouse. J'aime te voir bouger comme une reine, ton corps ondule.